On va parler du match du Canada, des anciens Canadiens qui aura lieu à Normandin. Ça va se dérouler samedi au profit des Chevaliers Colons. Évidemment, on veut amasser quand même passablement d'argent. Et on parle avec celui qui sera l'entraîneur des anciens Canadiens, Yvon Lambert. Bonjour, Yvon. Bonjour, mon gars. Yvon, oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, belle visite samedi à Normandin pour les anciens Canadiens. Ben oui, c'est des... Ça va être des retrouvailles parce que j'ai déjà été là avec les anciens Canadiens, justement. Là, je ne me rappelle pas l'année. Oui, ben je sais que je venais d'un bout récemment. On a toujours été très bien reçus là-bas. Ben, on est bien reçus au Lac-Saint-Jean. Là, je me rappelle quand j'étais joueur actif, on allait, les anciens Canadiens, les Canadiens dans le temps, on allait jouer des parties de balle durant l'été et on était reçus comme des rois. Partout où on allait. Est-ce que c'est pareil, un peu partout pareil? J'imagine que les anciens Canadiens, c'est winner. Là. Quand on veut faire de l'argent pour un organisme non lucratif, on fait venir les anciens Canadiens, puis généralement, c'est bon. Oui. Donc, le CH, là, ça a une influence incroyable sur le monde. Les gens sportifs, encore les jeunes. Et cette semaine, en fin de semaine, là, on va avoir une bonne brochette. Là. T'as Francis Bouillon qui vient de prendre sa retraite, Patrick Brisebois, alors Stéphane Richer. Alors, tu sais, c'est une bonne brochette. Et puis les jeunes, ils sont encore accrochés. Le CH, là, c'est tellement fort. Et en plus, mes Canadiens ont une bonne saison cette année. Fait que ça l'aide tout le monde. Ah oui, c'est sûr. Généralement, comment vous faites de match cette année, les organisateurs, parce que là, on est rendu avec Evenco. Ah oui? Les organisateurs font un très, très bon job. L'an passé, on a joué 35-36 matchs. Cette année, on a 40 matchs. OK. Alors, c'est réellement le fun. Puis c'est bien organisé. C'est toutes des bonnes organisations. C'est des bonnes œuvres. Tout le monde en profite de ça. Puis je pense que vous allez assez loin aussi, là. Vous allez. Cette année, on. Excusez. Là, cette année, on a deux voyages dans l'Ouest canadien. Au mois de mars, on va en Alberta deux fois. On va au Manitoba. Les anciens, là, comme je viens de le mentionner, là, ils font un job incroyable. Ils ont un bon système de vente, un bon système de communication. Alors, c'est très bon pour les anciens, puis c'est bon pour tout le monde. OK. Donc, vous allez dans l'ouest du pays. Est-ce que dans l'ouest du pays, vous êtes aussi populaire? Oui. OK. Moi aussi. Oui. Comme je viens de dire, là, le CH, là, c'est fort. Même dans l'ouest encore. OK. Okay. Même dans l'ouest, on va aller dans les maritimes cette année. Oh, okay. Dans les maritimes, là, tu sais, t'as Boston, t'as Détroit, t'as Toronto, t'as Canadien. Alors, c'est très populaire. Et puis, c'est pour ça que la demande est là et on accepte tout ce qui passe. Ben, effectivement. Donc, parmi les joueurs présents à Normandin qui aura lieu samedi, oui. Donc, il y a... là, j'ai la liste des joueurs du côté de l'équipe. Il va y avoir Francis Bouillon. Stéphane Richer, Steve Penny. Enrico Ciccone. Il va y avoir Gilbert Delorme, comme d'habitude. Gilbert, il fait presque tout. Oleg Petrov. Ouais. Vous allez voir Oleg Petrov. Le gars est encore en forme. Et puis, ça va être bon. Oleg Petrov, il est recruteur, je pense. On va avoir une belle brochette. Ouais. Ça devrait être le fun. Oleg Petrov, je pense qu'il est recruteur pour les Canadiens en Russie, je pense. Non, je pense pas. Il demande, lui, il est resté à Montréal. OK. Parce que c'est la première saison qu'il joue presque tous les matchs avec nous autres. OK. Lui, quand, après sa carrière, il a peut-être été un an ou deux ici, mais il est revenu, il a joué dans le KHL. Mais il est revenu au Québec, ici. Il demeure à Beaconsfield, dans l'ouest de l'île de Montréal. Okay. Et il semble très heureux ici. Il vit bien. Il vit très, très bien. Et ça lui permet, cette année, là, il joue presque tous les matchs avec nous autres, les anciens Canadiens. Alors, c'est bon pour nous autres. C'est bon pour lui parce qu'il Il est encore en forme, puis vous allez le voir, là, il patine très, très bien. OK. Donc, les gens, je sais pas, j'ai pas vérifié s'il restait des billets, c'est samedi soir. Donc, si ça vous intéresse, contactez Raymond Boivin au 19h30 au 515-0183. C'est M. Raymond Boivin, donc Raymond Boivin qui est un des organisateurs. Ils vont plus qu'acheter en fin de semaine, c'était le gala du centenaire de la Ligue nationale. T'es-tu d'accord avec ça, les choix qui ont été faits? Moi, je trouve qu'il y a des oubliés. Oui. Il y a des c'est jamais facile. Non, tu peux pas plaire à tout le monde. Non. Mais les 100 gars qui étaient là le méritaient. Ça a été très, très bien fait. J'entends des commentaires positifs. Ça n'a pas de bon sens. Gary Bettman, il a fait tout un job. C'est une première, ça, dans tout sport professionnel confondu. Je pense que Bettman a très bien fait ça, surtout quand il n'a pas été par voie d'ordre public. Il a nommé les 100 joueurs qui étaient absents, ceux qui sont décédés, les futurs, les 6 derniers des années 2000. Alors, ça a été très, très bien fait. Et puis, c'est sûr qu'il y a peut-être eu quelques oublis. Ben, on a fait... ça, quand tu prends des décisions comme ça, ben, ça ouais, peut pas sûr. Plaire à tout le monde. Ouais. Alors, ça a été bien fait. Puis 95% là, tout le monde est heureux. Puis ça a été très bien fait. Ben oui. Puis ce qui est amusant aussi, c'est... Mais en même temps... C'est dur, Phil. Regarde, nous, on trouve que Michel Goulet aurait eu sa place. Évidemment, c'est dans la région où Michel Goulet, 548 buts, c'est pas rien. On a fait la liste. Jerome McGinley n'est pas là également. Dale Hawerchuk. Guy Lapointe. Il n'est pas là. C'est sûr. C'est des gros joueurs de hockey. C'est des gros noms. Mais c'est dur à remplacer ceux qui sont là. Effectivement. C'est de valeur pour Michel Goulet, je suis entièrement d'accord, mais les noms qui l'ont précédé, les noms qui étaient là, sont durs à remplacer, là. Ils sont très, très durs à remplacer. Ouais. Alors, il y a tellement eu de bons joueurs, puis il y en a tellement de bons joueurs de hockey que faut que tu prennes des décisions, puis ils les ont prises. Okay. Ben, merci beaucoup, puis on se voit samedi soir. Merci, mon gars, puis j'invite toute la population. Ouais. Venez nous rencontrer. On va avoir du plaisir. Yvon Lambert, qui sera l'instructeur lors du match des Anciens Canadiens contre une équipe locale de Normandie.